بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Je voulais faire une petite introduction sur les causes. C'est très très très très très important. On voit que beaucoup de gens ont ignoré ces choses-là. Sur les causes de la guidée. Ce qui fait qu'une personne va être guidée, qu'une autre personne va être égarée. Parce que clairement, lorsqu'on regarde les gens de l'innovation autour de nous et les gens de certaines qui sont tombés dans le shirk, on voit qu'on n'est pas meilleur qu'eux. C'est-à-dire qu'on n'adore pas Allah particulièrement mieux qu'eux. On n'est parfois pas plus savant qu'eux. Donc qu'est-ce qui a fait qu'on peut prétendre nous être sur la vérité et eux dans le mensonge? Qu'est-ce qui fait que nous maintenant on peut dire que les murji'a sont dans le mensonge, les soufis sont dans le mensonge, les rafida sont dans le mensonge? Bon, rafida c'est clair. Même les juifs savent que les rafida sont des adorateurs d'idoles. Mais les égarés en général, quoi, les gens qui se sont égarés en général. Quelles sont les causes qui font que Allah Azzawajal va nous guider, va nous faire comprendre, va nous faire suivre la vraie religion, et les causes qui font que les gens se sont égarés? Donc ce sont les causes, de manière très résumée, les causes qui font que la personne va atteindre la vérité, et on pourra les faire suivre par les causes de l'égarement, de manière relativement résumé. La première cause, c'est tout simplement iradat al-haq wa tajarrud fi ittiba'i. Tout simplement le fait de vouloir la vérité et d'être sincère dans le fait de la rechercher. C'est la première cause qui fait que une personne va atteindre la vérité de manière religieuse. Le fait de vouloir la vérité, tout simplement. Il y a des gens qui ne veulent pas la vérité. Il y a des gens qui veulent vivre de manière paisible, mais sans forcément atteindre la vérité. Donc forcément, ces gens-là ne vont pas atteindre la vérité. Parmi les preuves d'Allah Azza wa Jal qu'on peut citer, la parole d'Allah, où Allah a dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dans surat Al-Ankabut, dernier verset, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, ou une autre traduction, on pourrait dire ceux qui font l'effort dans notre sentier, qui font l'effort en nous, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc ceux qui font l'effort réellement de chercher la vérité auprès d'Allah Azza wa Jal, auprès de la révélation d'Allah, c'est-à-dire le Coran et le Sunna, ceux-là, Azza wa Jal, il va les guider vers son sentier. C'est l'une des manières d'interpréter le verset. On le trouve par exemple sur Ibn al-Qayyim d'Al-Fawa'id. Il y a un autre verset où ils interprètent le terme وَالَّذِينَ جَاهَدُوا, et ceux qui ont lutté, dans le sens ceux qui ont fait le djihad, Allah va les guider. Mais les deux sens sont bons, l'un ne s'oppose pas à l'autre. Donc celui qui fait l'effort dans le sentier d'Allah Azza wa Jal pour connaître sa religion sincèrement, Allah Azza wa Jal, il ne va pas le laisser. Il va le guider. De nombreux versets dans ce sens-là. De même, dans l'autre sens, on voit que Allah Azza wa Jal, il égare. et on voit que les gens s'égarent. Et en général, par leur. Il y a des causes, comment ça s'appelle, au niveau de eux, leur comportement avec Allah et de leur manque de sincérité, ou les péchés aussi sont des choses qui égarent, le fait de faire des péchés sont des choses qui font que la personne va s'égarer du sentier. Parmi les versets qu'on peut citer dans ce sens-là, il y a le verset de Surat al-An'am, parce qu'Allah a dit Azza wa Jal, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit, cependant que nous avons enterré de voile leur cœur, qui les empêche de comprendre le Coran, et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. On a aussi d'autres versets où Allah Azza wa Jal nous dit, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Et quand ils se sont égarés, Allah a égaré leur cœur. Donc celui qui s'écarte de la vérité, on va voir qu'Allah Azza wa Jal, il va l'égarer. Il y a des gens qui ont connaissance de la vérité, qui ont connaissance de la vérité, sur les questions, par exemple, qu'on va traiter dans ces assises-là, sur les questions liées au tawhid, sur les questions liées au tawhid d'Allah dans sa législation et dans son jugement, parce que c'est une des choses qui fait partie du tawhid al-uluhiyya qu'on va traiter, inshallah, en détail. Sur les questions de l'wala ou al-bara, sur les questions du fait de désavouer le tarout ou de désavouer les fausses divinités. La deuxième cause de la guidée, c'est une grande cause de la guidée, c'est ad-du'a, l'invocation d'Allah Azza wa Jalla. Allah a dit dans son livre, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si tes serviteurs te questionnent sur moi, dis-leur, sache que je suis proche. وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Qu'ils me répondent donc. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Et qu'ils aient l'iman en moi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Peut-être seront-ils bien guidés. Al-Baqara 186. Donc on dit à toute personne qui cherche la vérité ou qui veut la vérité que sincèrement il se tourne vers son Seigneur, vers Allah Azza wa Jal, et qu'il fasse cette dua. Allahumma arini al-haqqa haqqa wa rizqni ittiba'a. Oh Allah, montre-moi la vérité comme vérité et aide-moi à la suivre. Wa arini al-batila batila wa rizqni ijtinaba. Et montre-moi le faux comme faux et aide-moi à l'en écarter. Et d'invoquer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait lorsqu'il se levait la nuit et il disait Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Ô Allah, Seigneur de Jibra'il et de Mika'il et de Israfil, Fatir as-samawati wal-ard, Créateur des cieux et de la terre, Alim al-ghaybi wa shahada, connaissant de l'apparent et du caché, Anta tahkuma bayna ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Certes, tu juges entre tes serviteurs dans ceux en quoi ils divergent. Ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi-idhnik. Guide-moi vers ceux en quoi ils ont divergé, vers la vérité sur laquelle ils ont divergé. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Et certes, tu guides qui tu veux vers ton sentier droit. Donc cette invocation, elle est dans Hisn al-Muslim et dans le livre de Hadith. De dire cette invocation, certains l'ont cité comme dua al-istiftah, une dua qu'on dit au début de la salat, après le takbir et avant la lecture de l'Fatiha. Donc de faire cette dua et de s'insérer avec Allah pour Allah puisse nous guider. La troisième cause de la guidée, c'est at-taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Allah a dit dans Surat al-Anfal, Ya ayyuhal ladhina amanu, in tattaqullaha yaja'al lakum furqana, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, wallahu dhul fadl al-azim. Ô vous qui avez l'iman, si vous craignez Allah, in tattaqullaha yaja'al lakum furqana, il vous donnera un furqan, un discernement. Les salafs, quand ils ont expliqué ce verset, comme tafsir ibn Kathir ou tafsir ibn Jarir, ils ont dit, furqanan, un discernement par lequel vous pourrez discerner entre la vérité et le faux. C'est-à-dire celui qui craint Allah, Allah il va lui donner la science de discerner entre le vrai et le faux. On demande à Allah qu'il nous donne cette science. Rabi'an, une quatrième cause, mukhalafat al-hawa, le fait de s'opposer à ses propres passions. Et ça implique que la personne connaisse sa religion et se connaisse lui-même. En fait, connaissent son âme, quoi. Ils connaissent sa nature. Ils voient qu'il va incliner vers des choses. Les gens, ils ont des natures qui font qu'ils vont. Il y avait des gens qui vont incliner plutôt vers, entre guillemets, l'exagération. Il y a des gens qui vont plutôt se laisser aller. Il y a des gens qui vont impliquer. Et essayer tout le temps de, quand on voit que cette chose, c'est la passion, c'est le hawa, essayer de prendre l'autre sens. Et ça, ça fait partie des causes de la guidée, sans aucun doute. C'est quelque chose de très difficile qui demande l'aide, bien sûr, l'aide d'Allah, Azza wa Jal. Il faut l'aide d'Allah pour connaître ces choses-là. Et se connaître, quoi. Se connaître, connaître sa nature et ce vers quoi elle incline. La preuve de ce niveau-là, c'est ce que Allah Azza wa Jal a dit lorsqu'il dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّيِّ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah a dit, pour celui qui aura redouté de comparer devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, de sa propre passion, le paradis sera alors son refuge. Donc, préserver l'âme de la passion fait partie des causes de la guidée. Et c'est difficile de faire la différence au niveau de la nature humaine entre la fitra, la nature originelle de l'homme qui a été créée par Allah, qui incline vers le tawhid, qui incline vers la vérité, et le hawa, hein, les passions qui, elles, inclinent vers le faux, et etc. etc. Khamisan, adam al-ta'assub, le fait de ne pas se fanatiser sur une chose en particulier. Et ça, c'est une chose l'insaf, ou adam al-ta'assub, l'objectivité, le fait de ne pas se fanatiser sur une question, c'est quelque chose de difficile. Les ulama comme Shawkani, par exemple, ils ont cité des choses qui font qu'une personne, des causes qui font qu'une personne va sortir de l'objectivité. Il va avoir du mal à accepter la vérité. Il faut les connaître lorsque, par exemple, la personne cherche la vérité pour elle-même ou fait da'wa aux gens. C'est des choses qui font partie de... Comment ça s'appelle, des caractéristiques de tout un chacun qu'on retrouve partout. Par exemple, Shawkani, il a cité, il a dit, فَمِنْهَا وَهَكْثَرَهَا وَقُوعًا وَشَدُّهَا بَلَاءً. C'est celle qui est le plus répandue. Et celle par laquelle nous sommes le plus éprouvés. Parmi les causes qui font que la personne va délaisser l'objectivité, va laisser le fait de s'objecter vers la vérité, c'est quoi ? يَنْشَ طَالِبُ عِمُ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ الَّتِي قَدْ تَمَذْهَبَ أَهْلُهَا بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ وَاقْتَدُوا بِعَالِمٍ مَخْصُوصٍ وَهَذَا الدَّاءَ قَدْ طَبَّقَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَعَمَّ بِأَهْلُهَا وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ إلا أفراد قد يوجد الواحد منهم في المدينة الكبيرة وقد لا يوجد. Il dit que le talib al-ilm, l'étudiant en sciences, est grandi dans un pays où les gens suivent un madhab particulier, une école particulière, ou un savant en particulier. Il dit, et ça, c'est une maladie qui s'est répandue dans tous les pays de l'islam. Il parle de son époque. Que dire de notre époque ? Avec l'ignorance qui est encore plus... parce qu'il n'est pas très éloigné de nous, Shawkani, hein, c'était il y a deux siècles, trois siècles, même pas. Que dire à notre époque, quoi, avec l'ignorance qui s'est encore plus répandue. Il dit, et nul n'est sorti de cela, n'a été sauvé de cela, que très peu de personnes. Il dit, peut-être dans une grande ville, on trouvera une personne comme ça. Ou peut-être on n'en trouvera pas. Il parle de son époque. لأن هؤلاء الذين ألفوا هذه المذاهب قد صاروا يعتقدون أنها هي الشريعة. Car ceux qui ont suivi ces écoles ont maintenant la croyance que cela c'est la charia, c'est ça la législation d'Allah. Dans certains pays d'ignorance, ils croient que tout ce qu'il lui a été enseigné parmi les choses de son madhab, là on parle de questions fiqh, mais bien plus important au niveau de l'aqida. C'est bien, bien plus important, et au niveau du tawhid. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui, dès qu'ils sont rentrés dans l'islam, on leur a appris que ces gouverneurs-là, ces tawarites, sont des musulmans. Et ceux-là, ceux qui disent que ces gouverneurs-là sont des koufars, des mouchriquines et des tawarites, ceux-là sont des khawarij. Ça va être dur pour lui après de comprendre que non, en fait, c'est le contraire. Ceux-là sont des tawarites et des murtadines, et ceux-là sont des gens qui ont appliqué le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Pareil pour le soufisme. Personne ne va lui dire, voilà, ça c'est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fait de faire du dhikr là, de faire des innovations, ou de croire même que Allah est dans les créatures, quoi que ce soit. Et ces wahhabis, ces gens qui suivent Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui disent qu'il faut adorer qu'Allah seul, ne suivre que le Coran et la Sunna, revenir au Coran et la Sunna, que le shaykh, il n'a pas la connaissance de l'invisible, quoi que ce soit. Ces gens-là, ce sont des égarés.

les, comment s'appelle, quand ils se réunissent pour faire des trucs, comment on va arrêter le, la da'wa, comment on va arrêter l'islam, tout ça. Quraysh, ils faisaient pareil. Leur premier commandement, c'est quoi? N'écoutez pas ce Coran. Si vous écoutez ce Coran, suffit que la personne ait un peu de sincérité dans son cœur, elle trouve le style, elle trouve. Elle va aller. Et aujourd'hui, le Tawarit, à notre époque, ils utilisent les mêmes choses. Ils vont trouver des gens qui s'opposent à ce Coran. Maintenant, on va citer certaines causes, avec l'aide d'Allah, qui empêchent, là on a cité les causes qui vont faire que la personne va suivre la vérité, qui vont guider la personne vers la vérité par l'aide d'Allah Azzawajal. Maintenant, on va citer des empêchements d'atteindre la vérité. Ou, comment dire, les jalons, les ma'alim, des gens du faux. De manière générale, les gens du faux, au niveau de toutes les sectes et de tous ceux qui se sont écartés de la vérité qui est dans le Coran et la Sunna. L'un de leurs plus grands jalons, ma'alam, c'est ithar ad-dunya ala al-haq, le fait de préférer la dunya à la vérité. Allah Azza wa Jalla a dit dans son livre: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دي Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Toutes ces choses-là, si elles sont plus chères qu'Allah et que le messager d'Allah, elles gèlent au cœur de la personne, il ne va jamais suivre la vérité, c'est clair. Il va préférer sa tranquillité, il va préférer ses pères, ses enfants, ses frères, ses épouses, ses clans, ses biens, etc. Beaucoup de gens, ils se convertissent pas à l'islam simplement à cause de ça. Parce qu'ils ont peur que leur famille se mette en colère contre eux. Ils savent que c'est le haq, ils savent que c'est la vérité. Et le seul chose, c'est quoi? Peut-être ma famille va se fâcher avec moi, peut-être que quoi que ce soit. Ou parce que, par exemple, il est dans un quartier où les gens sont sur une certaine croyance et que, alhamdoulilah, il a une position et qu'il fait du commerce et quoi que ce soit. Et si, du jour au lendemain, il dit la vérité sur certaines questions, il va se retrouver que plus personne va faire du commerce avec lui ou que peut-être des gens de sa propre famille vont se fâcher avec lui ou quoi que ce soit. Ça va être très difficile dans ce cas-là de suivre la vérité, de délaisser le mensonge. L'une des plus grandes causes de l'égarement ou de l'empêchement d'atteindre la vérité, elle est l'iqtirar bil akthar, de faire d'être trompé par la multitude. Le fait de dire, ouais, mais tel groupe, t'as vu comment ils sont nombreux? Comment peuvent-ils être dans le mensonge? Comment ça se peut qu'un aussi grand nombre de gens puissent être dans le mensonge? Impossible. Le problème, c'est que Allah Azza wa Jal, il nous a dit dans le Coran, il nous a donné une règle. C'est une règle qu'on peut appliquer de manière générale lorsqu'il dit Azza wa Jal dans Surat Al-An'am, la Surat 6, le verset 116: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ah, ça y est. Règle générale. Le contraire de la religion démocratie, alhamdoulilah. Pour nous, la majorité, c'est l'égarement. C'est toujours une minorité, depuis le début de la création, qui a été sur la vérité. Comme il a dit, en parlant de Nuh, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Et n'ont pas eu l'iman avec lui, sauf un très petit nombre de gens. On le sait, les gens qui ont suivi le prophète parmi les communautés qui nous ont précédés étaient toujours un petit nombre de gens. Dans Sahih al-Bukhari, lorsque Ibrahim est sorti de Harran, Allahu A'lam, ou de Masr, je ne me souviens plus, il était sur la route avec sa femme Sarah et il lui a dit: Ya Sarah, laysa 'ala al-ard mu'minun ghayri wa ghayrak. Ô Sarah, il n'y a pas sur terre de croyants que toi et moi. Deux. Il faut de la patience pour rester sur la vérité quand on dit que deux. Alhamdulillah, c'était un prophète, Allah l'a aidé en cela. À notre époque, il faudra de la patience pour rester sur le haq, même si on est plus que deux, alhamdulillah, sur la vérité, sur cette terre. Des grands groupes, mais la majorité des gens sont dans l'égarement. En tout cas, la personne qui est dans un endroit où les gens sont dans l'égarement, ou qui fréquente des gens, ou une mosquée par exemple, où les gens sont dans l'égarement, quoi que ce soit, ça va être dur pour lui de chercher la vérité, de comprendre que la vérité, elle n'est pas avec cette multitude de gens, mais elle est avec peut-être une minorité. Le Cheikh Mohammed ibn Abd Wahhab, il a un petit épître très très très intéressant qui s'appelle Masa'il al-Jahiliya, question du paganisme de l'anté-islam. Il est traduit en français, mais il a été distribué gratuitement à une époque. Moi, j'en ai une édition. Il faudrait peut-être le mettre, le répandre ou ça, parce que je ne l'ai pas trouvé en vente. Question du paganisme dans l'anté-islam. Cheikh Mohammed ibn Abd Wahhab, il a cité, c'est un tout petit livre avec, il a été expliqué par la suite, des points qui sont caractéristiques des gens de Jahiliya, qu'Allah a cité dans le Coran, parmi les mouchriquines et les gens, les gens du livre, leurs règles, leur manière de se comporter. Et c'est des règles qui, bien sûr, sont pratiquées par les gens qui se prétendent musulmans à notre époque. Et il en a cité un grand nombre. Il dit, Al-Khamisa, la cinquième qu'il a citée parmi ces questions de paganisme, أن من أكبر قواعدهم que parmi leurs plus grandes règles de base à ces gens de Jahiliya, الاقترار بالأكثر, le fait d'être trompé par la multitude ou par la majorité. ويحتجون به على صحة الشيء, et ils se basent sur cette majorité ou cette multitude pour dire qu'une chose est authentique, est vraie. C'est leur base. ويستدلون على بطلان الشيء بغربته, et ils prennent comme preuve qu'une chose est fausse parce qu'elle est étrange. Et parce que c'est les gens qui la suivent sont peu nombreux. Et Allah Azza wa Jalla est venu avec le contraire de cela. Et il a explicité dans de nombreux passages dans le Coran. Et il cite, et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et de nombreux versets, dans Surat Hud, le verset 17, Allah a dit, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, mais la plupart des gens n'ont pas l'iman, ne croient pas. Allah Azza wa Jal, encore plus explicite, il a dit dans Safat, le verset 71, وَلَقَدْ أَضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, et Allah a égaré avant eux la majorité des premiers, des gens, des anciens, des gens qui sont venus avant. Et il dit dans le Coran, dans Surat al-Baqara, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, mais la plupart des gens ne remercient pas. Allah Azza wa Jalla. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, dans Surat al-A'raf, le verset 187, et la plupart des gens ne savent pas. لَا يَعْلَمُونَ. C'est répété dans Surat Yusuf, mais c'est aussi répété dans Surat Nahl, mais c'est aussi répété dans Surat al-Rum, mais c'est aussi répété dans Surat Saba, c'est aussi répété dans Surat Ghafir et dans Surat al-Jafiya. Combien de versets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui nous disent que la majorité des gens ne savent pas. Ibn Kathir l'a dit dans l'explication du verset dans Surat Yusuf. Voilà qu'il n'a que ça, il y a la moune, mais la plupart des gens ne savent pas. Et c'est pour cela que la plupart d'entre eux sont des mouchriquins, des associateurs. Il a lié entre le fait de l'ignorance et le shirk. Et la base du shirk, c'est toujours l'ignorance. L'ignorance d'Allah Azza wa Jal et de son droit. Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, il expliquait le verset où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alaykum bil jama'a, suivez el jama'a, le groupe ». Et il a trouvé à l'époque d'Abdullah ibn Mas'ud que certains omaras s'étaient égarés, qui retardaient la salat en son temps, quoi que ce soit. Ibn Mas'ud, il a dit « Tu pris la salat tout seul en son temps et après tu repris avec l'émir parce qu'il était musulman et tout. Et ça sera une nafila pour toi. » Amr ibn Maymoun, il a dit « Tu nous dis de suivre el jama'a et après tu nous dis de prier tout seul. » Il l'a regardé comme ça, il lui a dit « Al-jama'atul haqq, wa in kunta wahdak. » Al-jama'a, c'est la vérité, même si tu es tout seul. Donc il lui a donné cette règle générale. Certains salaf, ils disaient une belle phrase en arabe, ils disaient « Laysa al-ajab mimman halaka kayfa halak, innama al-ajabu mimman naja kayfa naja. » Il dit « La chose extraordinaire, c'est pas de savoir celui qui est allé dans la perdition, comment il est dans la perdition. Ça, c'est pas extraordinaire de le savoir. Le plus extraordinaire, c'est de savoir celui qui a été sauvé, comment il a été sauvé. C'est ça le plus... Parmi les causes, l'une des plus grandes causes de l'égarement à notre époque, et dans les époques qui ont précédé, celles qui ont précédé, at-taqlid, at-ta'assub, le suivi aveugle, le fait d'accepter les paroles des gens sans savoir leurs preuves. Qu'une personne vient parce qu'il a un chir, parce qu'il a une barbe, parce qu'il a un ramis, parce qu'il a étudié, ou parce que je ne sais pas quoi. Et il dit quelque chose sur la religion, sans aucune preuve. Ni le Coran, ni la Sunna, ni Ijma', ni rien. Et on accepte cette parole. التقليد. Cheikh Mohammed ibn Abu Wahab, dans les questions du paganisme dans l'islam, il a dit الرابعة, la quatrième, parmi les caractéristiques des gens de l'Jahiliya. Il l'a cité en quatrième position. أن دينهم مبني على أصول. Il dit que leur religion, la religion des gens de l'Jahiliya, sont basées sur des bases. Sont construits sur des bases. أعظمها التقليد. La plus grande de leurs bases, c'est le taqlid. Le suivi avec. Donc, le taqlid, c'est parmi les plus grandes bases des gens de l'Jahiliya. فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. Il dit, c'est la règle, la plus grande règle de tous les mécréants, parmi les premiers et les derniers. C'est la règle des mécréants. Et il a cité parmi les caractéristiques des gens de l'Jahiliya, treizième, الغلو في العلماء, l'exagération sur les savants. Les savants, de prendre tout, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas... 28, أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتين. Ils n'acceptent de la vérité que ce qui est dans leur groupe à eux. Il appartient à un groupe, à une tendance, à je ne sais pas quoi, une secte. Ils n'acceptent la vérité que des gens de son groupe. Et ils n'ont même pas parlé avec les autres. Etc. etc. La question du taqlid, Inch'Allah, bi'idhnillah, on essayera de la détailler par la suite de manière le taqlid bien sûr en faisant bien la différence entre le taqlid, le suivi aveugle dans les questions qui concernent la base de la religion, le taqlid dans ce qui concerne par exemple le furu', les questions du fiqh, etc., etc. Sachant que le taqlid est un mal. Le taqlid est un mal. Ça peut être un mal nécessaire en cas de nécessité impérieuse dans certains cas où la personne n'a pas la capacité d'atteindre la preuve dans certaines questions de fiqh, elle va faire taqlid. Mais c'est un mal. C'est pour ça que certains savants, comme Ibn Taymiyyah, l'ont comparé à de la charogne. Qui, en cas de nécessité, c'est permis de manger la charogne. En cas de nécessité, c'est permis de faire taqlid. Mais en dehors de la nécessité, il faut suivre le délai. Et Allah Azza wa Jalla nous a demandé de l'adorer par la preuve. Allah a dit Tabi'u ma unzila ilaykum rabbikum. Suivez ce qu'il a fait descendre. Ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur. Pas suivez telle personne, suivez tel shir, suivez tel secte. Suivez ce qu'Allah a légiféré. Et en se basant sur ça, nous disons qu'il est légiféré, lorsqu'une personne en prend la religion de n'importe qui, ou demande quelque chose à la religion de n'importe qui, de lui demander quelle est ta preuve en cela. Lorsqu'il a répondu, de lui dire quelle est ta preuve du Coran et de la Sunna en cela. Et s'il voit que la personne lui sort des règles, mais tu es incapable de comprendre la preuve, quoi que ce soit, sache que cette personne est en train de l'insulter. Et que quand une personne insulte, il faut partir. Il est en train de le traiter d'imbécile, de personne qui n'est pas douée de raison. Il faut chercher la preuve. La preuve, c'est simplement tel verset, tel hadith. C'est tout simplement ça. Parmi on va citer une dernière. Parmi les règles de base des gens de l'Jahiliya, qu'a cité Cheikh Mohammed Abdou Wahab, il a dit « Sabi'at wa thalathoun » 37. « At-ta'abbut » le fait d'adorer Allah. Par le fait de prendre les moines et les rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans Surah Tawbah, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah. Adim Nabi Hatim est rentré auprès du prophète et lui a dit, la na'buduhum, nous ne les adorons pas. Il pensait, comme le pensent certaines personnes à notre époque, une compréhension, comment dire, puérile de l'adoration, que c'est le fait d'avoir une idole, une statue dans sa maison, de se prosterner devant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré c'est quoi l'adoration, c'est quoi une des sortes de l'adoration. Il lui a dit Allah yuharrimuna ma halallah fatuharrimuna, yuhilluna ma halallah, yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Est-ce qu'ils n'interdisent pas ce que Allah a autorisé et vous leur obéissez, et vous l'autorisez et vous l'interdisez, ou est-ce qu'ils n'autorisent pas ce que Allah interdit et vous l'autorisez? Adi ibn Abi Hatam a répondu, mais qui était, parce qu'il sait que c'est ça que font les juifs et les chrétiens, il lui a dit, bala, si, c'est ce que nous faisons. Et le professeur Hassan a répondu, tilka ibadatum, c'est cela leur adoration. Donc le fait de suivre aveuglément une personne en opposition avec la vérité, que dire alors de suivre une fausse législation, ou le fait d'accepter qu'une personne se permette à lui-même ou s'approprie le droit de légiférer en dehors d'Allah, de dire telle chose est halal, telle chose est haram, telle chose est obligatoire, telle chose est interdite, c'est adorer cette autre personne. C'est comme se prosterner devant lui, sacrifier pour lui. Inch'Allah, cette question-là, on va la détailler, bi'idhnillah, avec l'aide d'Allah, de manière très, très, très détaillée. celui qui a la compréhension de ce verset, de cette explication prophétique, c'est le prophète qui a expliqué ce verset, c'est le deuxième niveau du tafsir. Le prophète lui-même qui explique un verset du Coran, c'est rapporté par Ahmed al-Tirmidhi, la compréhension de ce verset, de ce hadith, il aura compris beaucoup de choses dans la religion. Alhamdoulilah, le jour, je crois que je me souviens, jusqu'à maintenant, le jour où j'ai compris ce verset. Et comment je l'ai compris? Le jour où j'ai compris que ce verset-là, il s'appliquait sur pratiquement toutes les questions qui nous posent problème à notre époque. Le fait que les gens, dans leur religion, ils ont pris les moines et les rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah. Pourquoi les moines et les rabbins? Parce que ce qui était à l'époque. Les moines, c'est l'adorateur ignorant. Le soufisme. Des adorateurs ignorants qui enseignent aux gens une fausse religion et les gens les suivent dans cela. Et l'ahbar, c'est les rabbins. C'est quoi? Le savant pervers. On voit qu'aujourd'hui, les calamités qui touchent la communauté sont soit par l'adorateur ignorant, soit par le savant pervers. Certains salafs, ils ont dit « Men fasada min ulama'ina, fa fi shabahu min al-yahoud. » Celui qui se corrompt parmi nos savants, il ressemble aux juifs. « Men fasada min ubbadina, fa fi shabahu min nasara. » Et celui qui se corrompt parmi nos adorateurs, il ressemble aux chrétiens. Là où ça apparaît le plus clairement, c'est dans les deux sectes de l'islam, ou de l'islam, je suis gentil, qui sont sortis de l'islam pour la grande majorité, les chiites, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs frères les juifs, même dans les rites de leur religion. Et les chrétiens, le soufisme, le moine, les moines, clairement, ils rapportent qu'au Moyen-Âge, les moines étaient en lien avec des soufis, des ascètes soufis, qui s'entraidaient dans leurs innovations et dans leurs gammes. Al-Khamsa al-Khamsoun, 55e caractéristique des gens de Jahiliya, al-Ta'assub al-Madhab, le fanatisme pour l'école, pour la voie que l'on suit. Et dans Surat Al-Imran, le verset 73, les mécréants disaient wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, et ne croyez que ceux qui suivent votre religion. On a déjà expliqué ce verset là, il est très important. Parmi ces questions là, Cheikh Mohammed Abd Wahhab a cité Masail Jahiliya Thamina, la 8e, on le cite dans le désordre mais c'est pour l'ordre du bahth, de la recherche là. Al istidlal ala butlan ash-shay li'annahu lam yattabi'uhu ila ad-du'afa. Le fait de prendre comme preuve qu'une chose est fausse, le fait qu'elle ne soit suivie que par les faibles, c'est l'une des caractéristiques des kuffars et des égarés en général. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat al-Shu'ara, le verset 111, à propos du peuple de Nuh, lorsqu'il a dit, il a appelé son peuple à l'islam, au tawhid, et lui a dit « Fattakullaha wa ati'un » Craignez Allah et obéissez-moi en tant que prophète. Son peuple, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Ils dirent, croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent? Les plus vils, les pauvres, les esclaves. Comment on va croire en toi? Mais on est riche, on a un truc et on voit qu'avec toi, que les pauvres, les esclaves. Au début, la révélation, c'est ce qui est arrivé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec lui, avec qui? Il y avait Bilal, il y avait Ammar, il y avait Soumaya, il y avait des esclaves. Il y avait des riches aussi, mais il y avait des esclaves. Les notables de Quraysh, ils ne voulaient pas s'asseoir avec Mohammed pour atteindre Salah, juste parce qu'il y avait ces gens-là avec lui. Aujourd'hui, on trouve que parmi les gens qui acceptent l'islam, il y a aussi les faibles de cette société, beaucoup de gens qui sont considérés parmi les plus vils de cette société. Alhamdoulilah, on remercie Allah pour cela. Il y en a, on ne les veut pas. Ouais. Parmi les causes de l'égarement, kitman al-haq, al-psuhu bil-batil, le fait de cacher la vérité. Et le fait de revêtir la vérité des habits du faux. Le même Cheikh Ali l'a cité parmi les questions de l'Jahiliya. Le fait de cacher la vérité. On voit que clairement, il y a des gens à notre époque qui se prétendent être des savants, des gens d'unité, qui cachent la vérité, qui empêchent leurs adeptes d'atteindre certaines choses parmi des interprétations du Coran, parmi des livres de certains savants, parmi des questions particulières, même dans le Coran, qui ne les abordent jamais, pour égarer leurs adeptes, clairement. Parmi les questions qu'a cité aussi sur Mohammed Abd Wahhab dans les questions du paganisme et de l'anti-islam, c'est al-jahiliya, idda'at tab'a al-salaf, le fait de prétendre suivre les salafs, le fait de prétendre suivre les sahaba ou les tabi'in, dans la croyance ou dans les pratiques religieuses ou quoi que ce soit, en tout mensonge. Une personne de personne. Cheikh Mohamed Abab, il a dit, l'Ishrun Ba'd al-Imiya, 120e caractéristique, da'wahum tiba' al-salaf. Le fait qu'ils prétendent suivre les salafs. C'est une des caractéristiques des gens du faux. Ils prétendent suivre les salafs. Et puis, ils vont te dire, nous, on est sur la voie des compagnons. C'est les compagnons, on fait là, on prêche Allah comme ils prêchaient les compagnons. D'autres, ils vont dire, non, nous, on est notre chaîne soufie. Elle remonte à Abu Bakr al-Siddiq. Par, je ne sais plus quel chir de ma chaîne, jusqu'à Abu Bakr al-Siddiq. C'est lui le premier maillon de notre chaîne soufie, etc., etc. Ou nous, on est des salafis, on suit les salafs, mais bon, on adore aussi le tarot, éventuellement. On s'allie avec les gens qui veulent détruire l'étendard de la ilaha illa Muhammad Rasulullah, mais bon, on suit les salafs. Donc il dit Mohamed Abdel Wahab, parmi les caractéristiques des gens de Jahiliya, da'wahum tiba' al-salaf, la prétention de suivre les salaf, ma'at tasrih bi mukhalafatihim, avec le fait clairement de s'opposer à eux. Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. On a fini avec cette introduction.